Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 5, du samedi 22 septembre 1883. Page 4, colonne 4. Nouvelles des États-Unis. Worcester, Massachusetts. Monseigneur O'Reilly administrera le sacrement de confirmation à l'église Saint-Paul dimanche prochain. Mardi soir, plusieurs amis de M. Ben Zeder ont fêté avec beaucoup d'entrain et d'amusement le 48e anniversaire de sa naissance. Le Times a transporté ses bureaux et ateliers d'imprimerie rue Mécanique en face du jardin Bigelow dans une jolie petite construction bâtie récemment. Une retraite de 8 jours pour les dames de la paroisse commencera le 2 octobre prochain. Elle sera prêchée par le révérend père Baudry, ancien curé de Notre-Dame. Timothée Jenny, âgé de 10 ans, est tombé du haut d'un châtaignier, non loin de l'école normale, samedi dernier, et s'est cassé la nuque. Il est mort de suite. La fanfare Worcester Cadet a été engagée pour la partie musicale de l'exposition agricole du comté et se fera entendre mardi soir, jeudi, pendant la journée et la soirée, et samedi soir. Environ 300 hommes d'affaires ont adressé une pétition au conseil municipal pour la pose de 50 lumières électriques dans les rues Main et Front par la compagnie américaine d'éclairage électrique. Nous avons reçu cette semaine l'agréable visite de deux compatriotes de Sherbrooke PQ, messieurs François Coderre, négociant, et O. Gendron, fabricant de corsets, qui sont venus aux États-Unis pour affaires personnelles. Un petit objet de nature tout à fait curieuse a été trouvé un jour de la semaine dernière par M. Napoléon Gertin dans une balle de foin importée de la province de Québec. On peut voir l'article à l'hôtel de M. Gertin, numéro 72, rue Mécanique. L'épouse de M. N. Gertin, propriétaire de l'hôtel Montreal House, est partie, ces derniers jours, pour une promenade de quelques semaines au Canada. Elle était accompagnée de Mme Charles McCumber, qui est allée conduire son fils à Montréal, où il doit continuer ses études. M. le curé Brouillet doit commencer de suite la construction d'une maison à côté du presbytère. Le bas servira pour salle d'école des petits-enfants et le haut pour des chambres à l'usage du presbytère. Pour éviter à la paroisse le recours à un emprunt, il sera fait, pendant quelques dimanches, une collecte à tous les offices. Les contribuables continuent à se rendre en grand nombre au bureau du receveur de la ville. C'est actuellement le moment le plus favorable pour payer ses taxes et éviter la foule des premiers jours d'octobre. Les intéressés feront bien de prendre connaissance de l'avis publié à cet égard du trésorier de la cité dans une autre colonne de ce journal. On suppose que Hiram W. Chase, charpentier, âgé d'environ 35 ans, demeurant au numéro 5, Archin Avenue, s'est jeté à l'eau pour sauter la vie. Le chagrin causé par la mort récente de sa seconde femme lui avait dérangé l'esprit. Il a disparu lundi pendant la nuit, en chemise, laissant une lettre pour sa mère, l'avertissant qu'on ne le reverrait plus. Le révérend D. H. O'Neill, demeurant en cette cité pendant ces dernières années, a été nommé curé de la paroisse de Greenfield et il se rendra à son poste pendant le courant de cette semaine. Depuis l'établissement de la paroisse Saint-Paul, M. O'Neill a été le fidèle et énergique assistant du révérend M. Power et il part en jouissant de l'estime générale et de l'amitié de ses paroissiens. Mercredi après-dîner, le canon annonçait à notre cité la nomination, par la Convention républicaine à Boston, du candidat comme gouverneur de l'État du Massachusetts aux élections du mois de novembre prochain. Tous les délégués du Parti républicain étaient présents, sauf 12. Sur 1168 bulletins délivrés, M. George D. Robinson a obtenu, au premier tour de scrutin, 996 voix. Ce résultat a été salué par de nombreux applaudissements. Sur la proposition de M. C.F. Adams Jr., ce vote a été déclaré formel et unanime. Les personnes dont les noms suivent avaient des lettres au bureau de poste le 18 septembre. Pour obtenir ces lettres, il faut demander « lettres annoncées » et mentionner la date de leur annonce dans les journaux. John Brough, Joseph Saint-Ange, Louis Chaillier, Arthur Dessaulles, Charles Dansereau, J. Gay, Joseph Robuchon, C. Lavoie, Joseph Lafleur, Louis Meunier, O. Potvin, Henri Proux, Théo Flibotte, Jean-Baptiste Renaud, Charles Trudel, Pierre Tétrault. Un ouvrier sur le chemin de fer Boston-Bar-Garner, nommé Thomas Hines, demeurant à Albertstown, en essayant de monter sur un train en mouvement à Holden, samedi soir, est tombé sous les roues des wagons et a eu les deux jambes coupées. Transporté à l'hôpital de la cité, il est mort pendant la nuit. C'était un homme d'environ 50 ans. Il n'avait ni famille ni parents dans ce pays. Il s'était assuré la semaine auparavant pour 1 000 $. Woonsocket, Rhode Island. La compagnie du gaz de Woonsocket a augmenté son fonds capital de 200 000 $ à 250 000 $. Le taux de l'imposition pour l'année fiscale courante sera de 11,50 $ par 1 000, soit 70 cents de moins que l'année dernière. L'école paroissiale de l'Église du Précieux Sang est actuellement fréquentée par 225 élèves et l'école du soir par 52. Les maîtres sont messieurs J. Paquette, J. Ignès et Joseph Gendron. Constant Revel est mort à sa résidence, Première Avenue, lundi dernier, à l'âge de 75 ans. Le défunt était originaire de France et demeurait à Woonsocket depuis plus de 30 années. Il comptait un grand nombre d'amis qui regrettent sincèrement sa perte. Il laisse une veuve et deux fils. Monsieur Régis Nault a eu dernièrement la visite de sa vénérable mère, Madame Charles Nault, de Saint-Marcel, PQ. Malgré son grand âge, cette bonne dame a pu faire le voyage sans trop de fatigue et voir ses enfants qui habitent les États-Unis. Charles Riley a été surpris au moment où il forçait l'entrée d'un soubassement de la rue Allen, dimanche pendant la nuit, par les agents de police Clifford et Brown, et arrêté. Ce soubassement est occupé par une femme connue sous le nom de Parrott, et l'on dit que Riley a déjà été plusieurs fois dans ce local sans que la locataire ait eu à s'en plaindre. Son procès est remis pour être jugé en décembre prochain à la session de la cour d'assises. John F. Holt, surintendant de la fabrique de caoutchouc, a été le premier à mettre en application la loi nouvelle relative aux enfants qui travaillent pendant l'âge requis pour la fréquentation des écoles. Il a dressé une liste de 30 jeunes gens ayant de 13 à 15 ans, il n'y en a eu que 2 à même de signer leur nom. Si tous les surintendants suivaient cet exemple, la loi pourrait être appliquée. Fall River, Massachusetts. Mademoiselle Mary E. Tinicam, fille de Leonard Washburn de Lakeville, s'est suicidée par la pendaison. Elle avait l'esprit dérangé depuis une dizaine d'années. Les directeurs du théâtre ont décampé samedi pendant la nuit. Le local avait été loué l'été dernier à la compagnie Durfee et Russell, qui fit beaucoup de dépenses pour réparations et arrangements divers. La première semaine, les affaires ont été prospères, mais pendant la dernière, ça ne marche plus. Quand les artistes se présentèrent à la caisse pour être payés samedi, les directeurs avaient disparu. Le révérend Père Sheridan de l'église Sainte-Marie de Taunton a été suspendu de ses fonctions. Il y a eu quelques troubles entre M. Sheridan et son évêque, et la lettre de suspension a été écrite il y a quelque temps, mais jetée au feu à sa réception sans la lire, comme avait l'habitude de le faire M. Sheridan pour les lettres de son évêque. Il n'a connu cette suspension que de seconde main par un prêtre de Boston. Il est question que cette suspension ne sera pas de longue durée. Dimanche dernier, vers 5 h p.m., un vieillard de 75 ans, à cheveux blancs, nommé James T. Chase, est entré à la station de police pour porter plainte contre son gendre, John F. Matthews, pour coups et blessures. Il paraît que ce dernier avait bu et que, voulant battre sa femme, le beau-père s'est interposé et c'est lui qui a reçu des coups. Le vieillard a eu les yeux pochés, la figure égratignée et des bleus à le rendre pitoyable. Il paraît qu'on boit pas mal de whisky dans la maison et il est rare que la bouteille ne suscite des querelles entre ses amateurs. Le brutal gendre devra comparaître devant le juge pour avoir à répondre de ses coups de poing. Central Falls, Rhode Island. À une assemblée spéciale à Pawtucket, samedi dernier, les contribuables ont voté l'acquisition de 20 acres de terrain joignant le cémetière Old Grove afin de l'agrandir d'autant. La pose de la pierre angulaire de la nouvelle église catholique d'Attleboro a eu lieu samedi dernier par Mgr Hendricken, assisté de nombreux clergés des diverses paroisses de la Nouvelle-Angleterre. Les cérémonies ont été très imposantes et suivies avec attention et recueillement par la foule des fidèles composée des catholiques de la localité et des environs. Vendredi, la nuit, entre minuit et 1 h du matin, deux hommes, sous l'influence de la boisson, se chamaillaient dans la rue à propos de la vente d'un cheval. Les deux parlaient français et, arrivé vis-à-vis du chantier Wood, la dispute dégénéra en coups de poing. Ils furent séparés par deux passants, et les pugilistes, ayant l'un les deux yeux pochés et l'autre une main blessée et le nez écrasé, partirent chacun dans une direction opposée. Le nom de celui des combattants qui a le plus souffert est Donaghy. Un vol assez considérable a été commis en ce village dans la nuit de samedi à dimanche, au préjudice de Thomas Gilligan, épicier de la rue Corden, à proximité de la rue Washington. Il a été enlevé 420 $ en billets du coffre-fort, puis diverses marchandises consistant en tabac, farine, sucre, etc. Les traces des voleurs ont été suivies jusque dans la forêt voisine, mais une fois sur la grande route, elles ont disparu. L'agent de police Pollard a été chargé de faire les recherches nécessaires. Haverhill, Massachusetts. David H. Cook, propriétaire d'une demi-douzaine de vaches et d'un taureau, à la barrière, près du cémetière Oak Hill, Newburyport, a été attaqué par son taureau jeudi dernier et n'a pu réussir à s'échapper qu'après avoir eu ses habits presque entièrement arrachés du corps. Monsieur Joseph M. Earl, employé à la boutique des frères Tarber, en arrière de la rue Washington, est tombé du haut d'un escalier dimanche dernier, recevant une blessure grave à la tête. On craint qu'il n'ait le cran d'attaquer. Il a été porté à la maison sans connaissance, où le Dr. Collins lui a donné les soins requis. Le résultat dépendra du dommage plus ou moins sérieux reçu par la boîte osseuse du crâne. Samedi dernier, un quart avant minuit, il y avait querelle dans la maison de pension de Mme Allgood, ancienne maison de Mme Drury, rue Emerson. Plusieurs passants s'arrêtèrent pour entendre, parmi lesquels se trouvaient Messieurs Pollard et Watson, pharmaciens. Ils furent abordés par plusieurs individus qui commencèrent par les insulter et finirent par frapper M. Watson en lui infligeant plusieurs blessures et contusions à la tête. L'agent de police Kimball, étant arrivé sur les lieux, arrêta quatre individus nommés Isaac Rogers, William McGuire, James Murphy et Patrick King. Ils furent conduits en prison et lundi, Le juge Carter les a condamnés chacun à 6 mois de prison. Les amis de l'ordre de la décence ont tous trouvé que cette punition était justement méritée. Fitchburg, Massachusetts. L'honorable docteur A.H. Pocket, sénateur pour la division de la vallée, était en visite en cette ville lundi dernier. Mademoiselle Lydia Dame doit partir prochainement pour Saint-Hyacinthe pour aller étudier au couvent de cette ville le français et la musique. Monsieur Pierre Blanchette et son fils sont partis pour une visite au Canada. Il y a 30 ans qu'ils n'ont plus été au pays natal. Le docteur J. Kilty, récemment gradué au Collège des médecins et chirurgiens de Boston, est parti pour New York pour suivre un cours à l'hôpital Bellevue. Frank Félix, âgé de 18 mois, fils de Paul Félix, a été trouvé noyé dans une source près de la rue Putnam lundi dernier. Sa mère dit qu'il n'a été perdu que quelques minutes. L'eau n'avait qu'un pied de profondeur. G.E. Fowler, négociant à South Framingham, a logé deux balles dans le corps d'un voleur jeudi la nuit. Le lendemain, l'individu, sur le point de mourir, a déclaré s'appeler Joseph Burnett et a dénoncé comme son complice un nommé Timothy Lyons. Les deux sont de South Framingham. Mercredi après-dîner, quelques jeunes garçons de Leominster arrachèrent des pommes de terre dans un champ et se rendirent dans la forêt pour les rôtir sur la braise. Ils firent un feu qui se répandit rapidement, brûlant une grande étendue de terrain boisé et mettant en danger plusieurs maisons. Ce n'est qu'avec de grands travaux qu'on est parvenu à l'éteindre. Springfield, Massachusetts. La femme de Giuseppe Consiglia, un Italien qui vend des fruits dans la rue Eagle, à North Adams, a eu ses habits mis en feu par l'explosion d'une lampe à pétrole. On croit que ses blessures seront mortelles. Le 10 octobre prochain sera le 93e anniversaire de la naissance du révérend Père Matthew, fondateur d'un grand nombre de sociétés de tempérance. Il y aura une grande démonstration, ce jour-là, par les amis de ce bienfaiteur de l'humanité. Madame Thurber, de penchant notoire pour le revolver le Laudanum, est de nouveau en liberté, ayant pu trouver un nouveau cautionnement. Elle est sortie de prison en compagnie de sa mère, de son frère John Kimberley et Orrin Lombard, avec l'air d'une femme aussi saine d'esprit que n'importe quelle autre, étant jamais sortie de prison. Jacob Gegenbachmann, un Allemand qui s'occupe du commerce de fruits et qui a donné un coup de poignard à son fils la semaine dernière, a tenté de sauter la vie en se coupant la gorge à la station de police au moment où il venait d'être arrêté. Il avait pu se soustraire aux recherches de la police jusqu'à samedi dernier. Sa blessure est affreuse, mais on suppose qu'il n'en mourra pas. Il paraît être parfaitement sain d'esprit, mais c'est un dur gars quand il est sous l'influence de la boisson. Holyoke, Massachusetts. George C. Bancroft, agent pour la Nouvelle-Angleterre de la compagnie d'éclairage électrique Edison, a fait un contrat avec la compagnie Merrick pour l'éclairage par l'électricité de sa nouvelle manufacture à South Holyoke. La sécheresse commence à se faire sentir d'une manière plus forte que jamais, et à moins que l'aide ne vienne bientôt sous la forme d'une pluie abondante, il est à craindre que le pouvoir d'eau n'en soit sérieusement affecté. Actuellement, les papeteries sont fermées toutes les nuits de 6 à 6 heures, et cet état de choses sera maintenu jusqu'à l'arrivée de la pluie. C'est, du reste, la situation générale de toutes les localités industrielles qui se trouvent sur la rivière Merrimack. La production quotidienne de papier fin pour lettres et livres a diminué de 60 à 70 tonnes, ce qui fait admettre que le prix du papier augmentera sous peu. Henry Perry, âgé de 38 ans, sert frais sur le chemin de fer Boston, Hossack Tunnel et Western, est tombé sur la voie en manœuvrant à l'aiguille à Blackington mardi dernier et 3 wagons lui ont passé sur le corps. Il a été transporté à Mechanicsville, New York, et on croit que ses blessures sont mortelles. Il est marié et père de famille. Lowell, Massachusetts. On compte à Lowell 10 734 enfants en âge de fréquenter l'école, mais il n'y en a que 6 795 qui fréquentent les écoles publiques. On se plaint en cette cité du comité scolaire, exigeant un second examen des enfants qui ont été gradués d'écoles de grammaire avec certificat avant de leur permettre l'entrée des établissements d'instruction supérieure. Ils ont refusé d'admettre un jeune garçon parce qu'il ne savait pas la musique. Pendant ces 10 derniers jours, il a été commandé 20 000 enveloppes de 2 cents. Les hommes d'affaires trouvent ces enveloppes fort avantageuses parce que leurs lettres ne sont plus retenues par défaut d'affranchissement suffisant. 500 enveloppes coûtent de 10,90 $ à 11,20 $, suivant la grandeur et la qualité. C'est donc seulement de 90 cents à 1,20 $ pour le papier et l'impression. L'eau dans la rivière Merrimack est plus basse que jamais, et le résultat immédiat est que les travaux dans les différents établissements industriels se sont arrêtés, sinon totalement suspendus. À Lowell, l'eau est 3 pieds plus basse que la chaussée en pierre et les manufactures sont obligées, en grande partie, de marcher par la force de la vapeur. À Nashua, les manufactures ne font plus travailler que quelques jours par semaine. À Manchester, toutes les manufactures sont fermées, sauf le numéro 8 et le numéro 4 de la corporation à Muskeg. En attendant que l'eau monte, 8 500 ouvriers sont sans travail. À Lawrence, pour la même cause, il y a 600 ouvriers sans emploi. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.